Bonjour à tous sur la place de la République. Voilà, donc c'est l'atelier du pop qui commence. Et Debout Éducation Populaire, toujours présent sur la place avec nos collègues de Nuit Debout derrière nous. Représente. Donc on va attaquer. On va pas tarder à attaquer. Donc je vous rappelle que nous, c'est Debout Éducation Populaire. On est présent sur la place. Le samedi et le dimanche, de 15h à 19h. Aujourd'hui, on finira à 18h exceptionnellement pour debout éducation populaire, mais Nuit Debout ne s'arrête pas là. D'accord, donc il y a un documentaire. Donc, c'est un week-end thématique à Nuit Debout. La thématique du week-end, c'est les médias et comment ils nous manipulent, comment ils sont contrôlés. Plusieurs débats autour de ce sujet-là qui vont s'enchaîner à EducPop là, donc trois débats. Et ensuite, à 19h, la diffusion d'un documentaire qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde, qui est un documentaire issu d'un livre de Serge Halimi, qui est aujourd'hui, je crois, rédacteur en chef du Monde diplomatique, sur comment les médias de grands influenceurs journalistes arrivent à orienter les informations. Donc ça sera à partir de 19h, sous une tente. Donc n'ayez pas peur, si jamais il pleut, on sera protégé. Voilà. Merci pour ton information. Et du coup, là, on va attaquer avec Alan. On a un petit peu de retard, mais vous inquiétez pas, hein, on s'arrêtera pas avant la fin. Donc Alan qui vient nous parler de comment les médias favorise l'isolement de chacun et de chacune. Donc je répète, comment les médias influencent l'isolement de chacun et de chacune, ou favorisent, comme tu veux. Vas-y, je te laisse la parole, tu pourras l'expliquer mieux que moi. Bonjour, bonjour. Alors voilà, déjà merci à EducPop pour d'avoir participé à ce week-end des médias. De mon côté, je souhaitais lancer mon intervention sur le rôle des médias dans l'isolement de chacun et chacune, donc de la population, parce que j'estime que c'est le meilleur moyen, c'est la clé pour comprendre comment fonctionne un média, comprendre en quoi un média a une force sur l'opinion et comment est-ce qu'on peut essayer d'en sortir. D'abord, pourquoi est-ce qu'un média ne peut pas prôner l'isolement? En quoi est-ce qu'un média a besoin de s'ouvrir au monde pour pouvoir agir? C'est parce qu'il faut voir que le métier de, je vais surtout me concentrer sur le journalisme, le métier de journaliste, c'est la curiosité, c'est aller vers l'autre, c'est essayer de comprendre. Et que du coup, il y a une nécessité à être capable de surmonter soit des préjugés, soit des certitudes pour essayer d'en savoir plus. Quand il y a une information qui sort, ça peut être une rumeur. Donc du coup, il y a forcément besoin d'être capable de s'ouvrir au monde. Sans cette démarche d'enquête, en fait, le journaliste ou la journaliste ne peut pas faire son travail correctement, ne peut pas comprendre le monde. C'est la même chose lorsque un journal, en fait, prône l'isolement, comme le repli sur soi avec les migrants, les choses comme ça. Il y a direct dans son processus d'enquête, le ou la journaliste va refuser d'aller comprendre, va refuser d'en savoir plus pour pouvoir préserver son message. Dans le sens où quand un journal porte un message, il a fait tout un travail d'enquête au préalable, il a contacté des gens, associations, est allé sur le terrain. S'il refuse d'aller sur le terrain, et s'il refuse de savoir, s'il refuse de tourner ses caméras vers une information, du coup, il n'y a pas de travail de fait, quoi. Donc, il n'y a pas de connaissance de l'information. Ensuite, dans un second temps, en quoi les journalistes favorisent l'isolement de chacun et de chacune? Les médias qu'on regarde, on s'habitue à avoir confiance. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui arrive à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, et que du coup, on s'accroche on s'accroche à cette information qui est véhiculée soit sur le net, soit télévision, soit dans les journaux. Dès lors qu'on prend cette habitude-là et qu'on par exemple se focalise sur un seul média ou sur un seul type de média sans aller chercher autre chose, donc un média qui irait tenir seulement notre propre discours, donc être dans un modèle où on regarde et on écoute ce qui dit, ce qu'on aime, où on ne va pas aller chercher à être surpris, dès lors, l'isolement se construit. L'isolement, c'est l'incapacité dans une opinion à construire de la diversité, à construire des contradictions. C'est la volonté d'être toujours celui qui sait et jamais celui qui est remis en question. Et ça, effectivement, les médias, en tenant des discours très fréquents d'isolement, en ce moment, les grands médias, encouragent les gens à ne pas en savoir plus. C'est le cas sur des sujets importants, comme par exemple la dette. On va complexifier exprès le modèle de la dette. On va rendre cette information-là douloureuse. On va habituer les gens à se dire « ce n'est pas mon sujet, je ne comprendrai pas », pour les habituer à ne pas se questionner, à ne pas s'intéresser. Et ça, c'est une stratégie qui est très fréquente. Quand on souhaite que les gens ne s'intéressent pas à un sujet, on le complexifie un max. Donc ça, c'est le rôle des médias qui est normalement de simplifier, d'offrir l'information à tous, de faire un traitement de l'information. Les médias prennent souvent plaisir à, au contraire, brouiller les informations, mettre du flou pour habituer les gens à s'isoler et à ne pas aller chercher, ne pas essayer de comprendre. On est clairement dans une volonté d'habituer les gens à ne pas s'informer ou le moins possible, à se contenter du minimum. Et du coup, on trouve des sujets essentiels sur lesquels on focalise les gens, des sujets simples, banals, et c'est une manière de s'assurer qu'on a une population qui, dont la curiosité ne sera pas satisfaite, donc une population sans dynamisme, qui ne s'élève pas, qui ne se réveille pas, une population qui s'isole. Et tout ça, ça a des conséquences énormes. Et c'est le cas quand on voit, par exemple, au niveau d'ITélé, où déjà ITélé était une chaîne qui informait peu, mais que là, ça, un homme puissant, qui est Bolloré, souhaite, au-delà de cette déjà information qui est rare, dépasser un stade et aller vers, on pourrait dire, un divertissement, donner une image de l'information qui est un jeu facile, accessible, jamais de remise en question, on est toujours conforté dans son opinion, et ainsi on habitue les gens à obéir, à se soumettre, à ne plus s'informer ou le moins possible. Ça, c'est selon moi la manière que les médias ont d'isoler la population. Ensuite, nous-mêmes, on a une responsabilité. On a une responsabilité dans cet isolement qui est produit, qui est très grave. Qui est très grave parce que une fois qu'on est persuadé que les gens aux cheveux longs peuvent sont dangereux et je ne sais quoi, et que on est conforté par des médias qui nous montrent ah regardez encore un voleur et comme par hasard il a les cheveux longs, des banalités. Si soi-même on ne fait pas le geste de se remettre en question, si soi-même on ne fait pas le geste de s'ouvrir, d'aller chercher d'autres informations, d'aller chercher une expérimentation, est-ce que c'est vraiment prouvé? Et au-delà de ça, essayer d'avoir de lire des médias qui disent « mais non, on peut très bien avoir les cheveux longs et être gentil ». Bon, j'exagère avec mon exemple, mais il faut savoir que le racisme, c'est aussi banal que ça. Hein, c'est aussi banal que ça. Hein, c'est-à-dire que, voilà, il suffit de très très peu pour bloquer quelqu'un dans une opinion absurde, en fait. Et du coup, on a besoin aujourd'hui, selon moi, on a besoin nécessairement de créer des nouveaux outils qui soient là non plus pour aller dans le sens des gens, mais au contraire de l'opinion, mais au contraire de surprendre, même sur des banalités. Pourquoi ? Parce que en s'étant habitué à ne pas se poser la question, en s'isolant sur des opinions simples, banales, on se laisse porter par quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas sain du tout. Donc, on a besoin de nouveaux outils qui aillent surprendre, peut-être faire mal parfois. Parce que l'information fait mal quand on voit la mort. Ah, trop génial. On parlait de Bolloré tout à l'heure et là, c'est le Cameroun, c'est ça ? Parce que Bolloré a aussi une action dans d'autres pays qui est néfaste. Ouais, c'est ça. C'est un sujet très important. Bref, on a besoin d'outils, selon moi, justement, pour sortir des habitudes, pour les casser, nos propres habitudes qui sont parfois douloureuses. Et les informations qui ne nous plaisent pas forcément, parce qu'il y a des choses très dures qui se passent. Si on s'habitue à essayer de les comprendre, à la fin, c'est un bénéfice. C'est un bénéfice essentiel d'être capable de poser ces questions-là. Et du coup, on doit nécessairement, tous ensemble, s'habituer à remettre en question nos certitudes, à sortir de l'isolement, parce que dans un second temps, si on consomme, je dis bien consommer des journaux, de l'information, de manière cadrée, fixée, qu'on se ferme, qu'on refuse, on se refuse une certaine curiosité d'essayer de comprendre des opinions que nous n'aimons pas. À ce moment-là, les médias sont confortés dans leur attitude. Pourquoi est-ce que les médias sont confortés dans cette attitude-là ? Parce que tout simplement, dès lors qu'un média va remettre en question ses habitudes, s'il n'y a pas une volonté des lecteurs, des téléspectateurs, des auditeurs, de dire non, je veux aussi d'une information qui n'aille pas forcément dans mon sens, les médias resteront dans ce modèle-là, un modèle qui, au fur et à mesure du temps, on s'en rend compte, est dangereux. On le voit au niveau des opinions, on le voit au niveau des attitudes. Et voilà, je pense que j'ai terminé mon, mon introduction. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des arguments à m'opposer ? Merci pour ton intervention. Donc voilà, on va passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions ? Ou des choses à dire, tout simplement, hein ? Oui, non seulement j'ai des questions, mais j'ai aussi des réponses. Ce que dit Alain vis-à-vis des médias, c'est très intéressant. Mais la question qui se pose aussi est de savoir de quoi doivent parler les médias. Ils parlent de l'actualité. Mais notre tâche à nous, Nuit Debout, c'est de fabriquer de l'actualité qui soit exportable. C'est-à-dire que non seulement il faut savoir ce qu'on a à raconter nous, mais quoi raconter ? Or, ce que peut raconter Nuit Debout, c'est ce que fabrique Nuit Debout ici ou ailleurs, mais beaucoup ici, parce qu'il y a aussi des paroles qui disent la place de la République, on pourrait s'en passer. Moi, je l'ai déjà entendu. Donc, la question qui se pose est quoi faire pour pouvoir raconter quelque chose ? Or, là, cette question-là, tu la soulèves pas. certains te diront, il y a deux réponses à ce que la question que tu viens de poser. Qu'est-ce qu'on doit raconter ? Certains te diront, on doit parler de notre nombril. On doit parler de soi. Ça, c'est la première réponse. C'est l'isolement. Et d'autres te diront, non, non, non, on doit s'ouvrir au sujet de l'extérieur. On doit poser la question des sujets difficiles à aborder. Et ça, c'est une autre réponse. La réponse de l'ouverture, de l'inhabituel. Nous, par exemple, il y a des assemblées à Nuit Debout qui vont satisfaire tout le monde. Une assemblée pour dire non à la loi travail va satisfaire tout le monde. Et il y a d'autres assemblées qui ne vont pas satisfaire tout le monde. Ce sont par exemple les assemblées de rencontres, de débats avec des policiers. Et là, au contraire, ça va faire débat. Ce que j'essaie de dire au-delà de ça, c'est que nous-mêmes, quand on va s'intéresser à des sujets, on va chercher des informations, on va avoir des intervenants, les médias vont éventuellement s'intéresser à nous. On peut faire, effectivement, parler de nous encore comme on sait si bien le faire, se renfermer sur soi, ou au contraire, essayer d'aller chercher d'autres sujets. Et ça, c'est à mes yeux, c'est l'ouverture. Après, toi, tu dis comment est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne. Si tu veux que ça fonctionne dans les grands médias, il faut que non seulement tu parles de ton nombril, mais qu'en plus ton nombril corresponde au nombril d'autres personnes ou encourage l'isolement, des choses comme ça. Donc à toi de voir si tu veux faire avec les grands médias, les médias traditionnels ou sans. Par ailleurs, on voit avec la grève d'ITélé que les journalistes ne peuvent pas faire leur travail, ne peuvent plus faire leur travail. Pourquoi ? Parce qu'on leur demande trop d'être focalisé sur la désinformation. Trop. Ils peuvent pas parler de ci, ils peuvent pas parler de ça, ça c'est pas bien, c'est tabou. Et c'est pour ça qu'il y a une exaspération chez les journalistes aujourd'hui. Parce que eux-mêmes au début sont rentrés dans ce modèle-là pour garder leur job. Mais au bout d'un moment, c'est contraire à leur job de ne pas enquêter, de ne pas mener l'enquête. Donc, comment intéresser les grands médias ? Aujourd'hui, ils vont peut-être changer les grands médias. Si les journalistes, au-delà de l'exaspération, cette exaspération grandit et qu'ils décident de se réveiller, on n'aura plus la même information que si les médias restent sur cette ligne qui est dangereuse pour tous. Donc, la question se posera toujours. Comment, de quoi, quel sujet aborder, comment faire parler de nous, est-ce qu'il faut faire parler de nous, nanana. Voilà. J'espère que... Tiens, vas-y. Bonjour. Alors, pour moi, Nuit Debout et du pop, c'était en fait ouvrir un regard différent sur les événements. C'est-à-dire, c'est un peu ce que tu proposes aujourd'hui, c'est d'avoir un regard différent, un regard qui confronte un peu les idées reçues. Et ce regard-là différent, ça demande énormément d'efforts à construire. Et les gens ont mal premier. On va dire qu'on est très pépère et on aime bien notre petit confort et notre petit confort de pensée. Et donc on va pas forcément chercher à s'informer. Parce que chercher à s'informer, ça dérange, ça picote un petit peu. Et du coup, on va prendre l'information très mâchée qu'on nous donne. Et le rôle du Media Center, s'il existe encore, ça serait de prendre un événement qui est traité par tous les journaux, mais avec un regard différent. C'est un peu ça la marque de fabrique que je verrais. Mais après, je peux me tromper. Hein. Donc pour les gens qui passent sur la place, là, je vous rappelle que Alan est venu nous parler des médias qui influencent l'isolement de chacun et de chacune. Donc voilà, n'hésitez pas à venir participer. Effectivement, oui, tu poses des questions intéressantes. Comment est-ce qu'on arrive à préserver cette attitude qu'on a d'aller vers autre chose pour ne pas revenir en arrière, sinon c'est faire un pas en arrière. Ouais, bah d'abord sur le discours, je te rejoins tout à fait. Enfin, je comprends complètement ce que tu veux dire parce que j'ai pas mal constaté ça, enfin dans mon entourage, etc. Effectivement, que les médias, enfin vraiment provoquent l'isolement et la non remise en question aussi. Enfin, vraiment la conviction de plein de fausses idées. Enfin, j'ai vraiment constaté ça, ça a vraiment été une horreur. Pour moi, c'est vraiment un truc qui me tracasse et bon, j'ai vraiment du mal à faire confiance aux médias traditionnels. Mais et du coup, si j'ai bien entendu, toi, tu voudrais un média dissident, en fait, un peu. Enfin, en fait, est-ce que les médias, déjà, de par nature, ils devraient pas être dissidents? Enfin, les journalistes, tu vois, je sais pas. Donc, en gros, tu veux que les médias redeviennent des journalistes, quoi. Et c'est vrai que j'avais pas fait le lien avec la grève d'ITélé, mais bon, bah c'est pareil, du coup, honnêtement, pour moi, en ce moment, j'ai très peu d'espoir là-dessus, mais après, je connais pas du tout le sujet, donc j'espère que c'est mieux que ce que je pense. Mais est-ce que tu penses vraiment que c'est possible par la télé, en fait, tout simplement? Surtout dans l'état actuel des choses, des médias, enfin, sachant qu'ils sont possédés tous par des gens qui ça les intéressera pas forcément. Enfin voilà, comment tu vois ça, c'est possible, ou alors peut-être plus dans un journal ou un autre, je sais pas. Alors là, tu poses vraiment l'excellent exemple dont je vais pouvoir me servir pour expliquer le fonctionnement du média. Dès lors qu'il y a une information qui tombe. Grève à ITélé. Ça, personne ne le savait avant, c'est tombé du jour au lendemain. Et d'ailleurs, chaque jour, ça a été renouvelé, ça signifiait que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Immédiatement, il y a eu un traitement de l'information. Et franchement, j'ai suivi ce dossier-là, qui était quasi silence, avec très peu d'explications. Tout a été résumé à Morandini, ils veulent plus de Morandini. Sans expliquer pourquoi, qu'est-ce que ça signifiait, qu'est-ce que ça évoquait, quel sens ça avait pour eux, quelles étaient leurs conditions de travail, quelles étaient les menaces qu'ils subissaient par leur hiérarchie, etc., etc. Il n'y a eu quasiment aucun traitement d'information. Ou en tout cas, les médias ont refusé. Pourquoi? Parce que eux-mêmes étaient dans cette situation-là. Donc du coup, leurs chefs leur ont demandé, écoute. Par exemple, à Libé, écoute, moi je suis le directeur, ce sujet-là, bah, je veux pas que ça arrive à Libé, donc je vais te demander d'écrire un article qui dit que leur grève, ça servira à rien. Et là, tu as le journaliste, il a un choix. Soit il écrit un article qui dit mais leur grève, ça servira à rien, ça y a aucun espoir, et du coup, ça va influencer des tas de gens. C'est sacheux, hein. Soit il perd son job. Donc là, toi, tu dis bah ouais, mais c'est désespérant, nanana. Tu n'as pas conscience que c'est déjà une opinion que tu es déjà manipulé, que tu es déjà dans une logique d'isolement. Sans, je dis pas que tu t'isoles tout le temps, parce qu'au contraire, t'aimes bien. T'es quelqu'un qui a, voilà, qui a de l'éveil, etc. Mais sache que beaucoup de monde le vivent, la grève d'ITélé comme ça. Hein, mais ça servira à rien. Et ça, c'est parce qu'ils l'ont lu. Et t'as entendu des opinions. Ouais, mais en tout cas, c'est. Et ce que si on pensait que les grèves, ça servait à quelque chose, ben on ferait grève. Si on pense que les grèves, ça sert à rien, on fait pas grève. Moi, j'appelle ça l'isolement. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Donc c'est Alan qui nous parle des médias qui influencent l'isolement de chacun et de chacune. Je pense que personne peut le nier. Non, effectivement. Merci Alan. Alors c'est intéressant parce que toi tu parles de l'isolement, là en l'occurrence aussi de celui qui va écrire, le journaliste, parce qu'il est sur la pression du marché du travail et que c'est un pigiste, voilà, qu'on va mal payer. Et on se rend compte effectivement qu'il y a une certaine censure qui s'exerce, notamment sur Bolloré, mais il y a d'autres exemples qu'on pourrait citer. Hein. Voilà, on invite tout le monde à lire Les Nouveaux Chiens de Garde. Moi, j'avais lu aussi il y a quelques années Les Nouveaux Patrons de la Presse, qui était assez flippant comme bouquin sur sur la nouvelle génération de milliardaires qui s'emparaient chacun de leur petit livrable, alors, qu'il soit gratuit ou un quotidien ou un journal national ou quoi. Je signale qu'aujourd'hui dans le monde de la presse, un milliardaire peut détenir jusqu'à 300 titres de presse. Je crois que c'était le cas 340, il me semble, pour Rupert Murdoch. Donc il en possédait en Espagne, en Australie, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, etc. C'est quand même un peu flippant. Et donc ça rappelle une chose, c'est que Les individus sont isolés, mais parce qu'il y a une fabrique du consentement, il y a une fabrique d'une opinion de masse. Je pense que ça, c'est un point absolument essentiel. Et en fait, les journalistes aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas le temps d'investiguer, ou bon, peut-être pas par manque de courage, mais parce qu'ils ressentent une pression qui est portée sur eux, ils vont pas aller démêler les raisons de l'explication d'un phénomène. Et le problème que je vois là-dedans, c'est que on prend un exemple, par exemple. La dette. S'il s'agissait aujourd'hui, on va avoir une information qui va nous dire la dette a pris 20 points par exemple. L'information qui arrive à ce moment-là, c'est effectivement il y a une évolution du statut de la dette, elle a pris 20 points. Mais on refuse de se questionner du coup sur ce qu'est la dette en elle-même. Donc il y a une préformation du jugement qui considère acquis tout un ensemble de mécanismes de fond sur les raisons d'une dette, sur les raisons qui pousseraient. Alors que justement, c'est quelque chose qui peut être expliqué assez simplement. Pourquoi il y a des dettes? Parce que les banques créent la monnaie, parce que les États sont obligés d'emprunter sur des marchés financiers, etc. Voilà. Et ça, c'est des questions qui sont complètement oblitérées aujourd'hui. Et parce que justement, on va rebondir sur le dernier élément d'information par rapport, et qui est complètement épiphénoménal par rapport au phénomène lui-même, qui est, il y a une dette. Et qu'est-ce que c'est? Ça, personne n'en sait rien, en fait, parce que personne ne se questionne là-dessus. Et c'est ça qui est hyper grave aujourd'hui. On est dans la préformation du jugement, quoi. C'est un peu comme ça que je l'appellerais. T'as dit pas mal de trucs intéressants, sinon, t'as parlé de création de la complexité. Alors, c'est assez clair sur les questions juridico-financiero-économiques, on va dire ça comme ça. Moi je me souviens que quand j'étais à la fac de droit, on m'expliquait que la raison pour laquelle pas mal d'arrêts par exemple du Conseil d'État apparaissaient aussi complexes que c'était, il l'assumait très bien quoi, hein, c'était complètement décomplexé, mais écoutez, les gens sont pas censés comprendre quoi, hein, c'est ça le but assumé quoi, enfin c'est quand même assez fou, on se dit d'accord, nul n'est censé ignorer la loi, mais en fait la jurisprudence étant en fait une création du droit par lui-même, ça interpelle énormément quoi. On n'est pas censé comprendre, on n'a pas le vocabulaire, on n'a pas l'expertise, on vit dans une société d'experts pour rebondir aux différents éléments, on n'a pas le jargon quoi qu'il faut. C'est que du jargonnage, et ça profite très très bien aux élites de façon générale. Enfin, ça fait 200 ans que de toute façon, on en est une société de production d'expertise sur les questions notamment qui sont de l'ordre de la technoscience. Il y a de la production d'expertise, on met les savoirs traditionnels et artisanaux de côté et on produit une expertise pour pas que les gens puissent se questionner sur les raisons de leur malheur. Mais au-delà de ça, alors il y a la création de la complexité, ça je suis bien d'accord, mais en même temps on est sur des schémas où on empêche l'investigation parce que les jugements sont préformés, et en même temps on est sur des énormes flux d'informations. Et ça, c'est un énorme problème que je vois aussi aujourd'hui, c'est que il y a une explosion des médias. Évidemment, l'information, elle est partout. Enfin, je veux dire, notre cerveau, c'est de l'information qui reçoit en permanence. Tout notre comportement, il est influencé par ça. Enfin, t'as faim, c'est ton bip qui va te dire que qui t'envoie un signal pour te dire que t'as faim. Mais tu vois quelque chose, ça va influencer ton comportement aussi. Tu vois de la lumière là-bas, tu vas marcher dans une autre direction, etc., etc., etc. Un être biologique, par définition, il reçoit que de l'information en permanence. Et c'est ça qui va conduire son comportement. Mais aujourd'hui, avec la massification des flux d'informations, on a une incapacité à traiter l'information. Et ça, c'est quelque chose de très très compliqué, parce que on peut se dire c'est génial, l'information elle est partout, elle est disponible. Ouais, mais en fait, si t'as pas le temps de faire un process de cette information, tu peux pas te former une opinion, clairement. Donc, tu te laisses aller au gré des vents, au gré des élucubrations de certains. Enfin, ou plutôt de la volonté de certains patrons de la presse, et du coup tu peux pas te former une opinion, et t'es constamment dans l'isolement dès que tu vas chercher en tout cas à confronter justement cette opinion vis-à-vis de tes pairs, ta famille, tes amis, etc. Moi, il y a une question que je voudrais te poser, c'est sur les modalités de transmission de l'information. Aujourd'hui, il y a un format qui apparaît assez régulièrement et de plus en plus, j'ai le sentiment, c'est la logique du témoignage. Parce que un journaliste, il va difficilement pouvoir prétendre avoir la vérité objective, la détenir et la foutre sur un bout de papier, même si c'est ce qui arrive justement sur plein de questions techniques. Mais excusez-moi, je suis un peu long, hein, mais j'en arrive au but. C'est que on va aller voir du coup une personne qui va nous livrer que son jugement personnel sur une question. Et forcément, comme c'est son jugement subjectif, ou son état d'âme, ses émotions, son opinion personnelle, forcément, on va se dire, c'est relatif, et à partir de là, on peut pas former une opinion par ailleurs. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du statut du témoignage aujourd'hui dans la presse? Parce que c'est un truc qui prend de plus en plus de place. Et personnellement, moi, ça, c'est un format qui me convient pas du tout pour m'informer. Alors parfois, c'est très intéressant quand on va aller voir ce que dit un zadiste, par exemple. Forcément, c'est un peu plus subversif et c'est de l'information auquel on n'aurait pas accès par ailleurs. Il faut juste se fier aux paroles qui sont livrées par une personne et seulement retranscrites a priori, on l'espère, par le journaliste. Mais j'aurais aimé te questionner là-dessus. Oui, tu fais bien de me poser la question, parce que c'est un piège, justement. C'est un piège dans lequel beaucoup de monde va tomber en ce moment. Pourquoi un témoignage? Parce que le journaliste va dire, moi j'y suis allé, j'ai demandé, j'ai noté, et puis j'ai retranscrit, et j'ai mis tel quel, j'ai même les enregistrements, si vous voulez, je peux vous le prouver. Sauf qu'en fait, il a orienté ses questions pour obtenir les réponses qu'il voulait. Sauf qu'en fait, il a gardé que les propos qui allaient dans son sens. Sauf qu'en fait, il utilise l'image de la personne pour donner une forme à l'information. Parce que c'est un traitement que si le propos vient d'un tel ou d'un tel, ça change tout. Et si on dit propos d'un gauchiste ultra radicalisé, tu vois, ouais, la dette, c'est de la merde. Ah ouais, mais c'est un gauchiste ultra radicalisé, c'est pour ça. Alors que la dette, c'est pas du tout de la merde, hein. Tu vois, donc c'est un piège, le témoignage. C'est un piège. Je voudrais rebondir dans tout ce que tu as pu dire sur quelque chose de très marquant et qui va peut-être vous permettre de comprendre quelles sont les techniques que les journalistes utilisent pour influencer l'opinion. C'est la dette, justement. Où tu as dit 20 points de plus pour la dette et tout. Et ça, en général, ils vont faire en sorte que ce soit une info petite et qui passe. Comme ça, les gens, vu que c'est un tout petit, ils croient que c'est rien. Et en fait, il n'y a que les experts qui vont comprendre, oh putain, ça veut dire ça. Il y a une technique journalistique qui se fait, et c'est pour ça qu'on a autant d'informations, en ce moment qui est très présente, qui est le flou permanent. On génère du flou. En revanche, on s'adresse à quelques experts, dans ce flou, qui sauront trouver les informations qu'ils veulent où ils veulent. Donc on fait exprès de générer du flou pour voilà. Mais en revanche, on emploie des stratégies pour que dans ce flou d'informations, tout le monde y a accès, c'est génial et tout. Seuls les experts puissent avoir les clés pour comprendre que veut dire 20 points de plus pour la dette. On en est là. Et ça, c'est grave. Parce que normalement, le travail de traitement de l'information, c'est un job, hein. On traite l'information, on dit nanana, on prend les faits, et après on les replace dans une situation, et après on essaie d'apporter aux lecteurs, téléspectateurs, auditeurs, les outils pour qu'ils puissent dire « Ah, donc ça veut se poser les questions, ça veut dire ça, voir mieux. » Et si l'intention des journalistes, c'est au contraire de flouter et de renforcer l'isolement pour que les gens ne se posent pas de questions, et ils font ça par obéissance, parce que leur chef leur a demandé. Bah oui, ils font ça par obéissance. Du coup, on a vraiment tout un processus d'élitisme, de hiérarchie, de choses comme ça qui se construisent à l'extrême, à l'absurde. On peut comprendre qu'il y ait des gens, on ait plus de respect pour leurs paroles parce que ils connaissent plein de choses. Mais là, on n'est plus là-dedans. On n'est plus dans le respect du sage ou je sais pas quoi. Là, on est vraiment dans un système de hiérarchie à l'extrême. Et ça, il y a des tas de techniques. Donc, je viens de t'en citer une, mais il y en a d'autres. Hein. des techniques pour que toi, tu ouvres ton journal, tu dis « Oh, c'est pas important. » Et en fait, il n'y a que les experts qui auront compris le tournant qui vient de se passer. Et d'ailleurs, le plus souvent, ça c'est quelque chose, si vous voulez vraiment mieux comprendre les médias, sachez une chose, c'est que les informations les plus importantes sont celles qui sont les moins dites. Quand quelque chose serait censé prendre une certaine proportion, mais on en parle très très peu, posez-vous la question. Merci pour vos réactions. Et moi, je voudrais juste rajouter par rapport au témoignage, parce que je pense qu'il ne faut pas discréditer non plus le témoignage des gens, parce qu'au final, nous, à EducPop, ici, c'est ce qu'on fait, tu vois, tu viens témoigner de ce que tu as envie, en fait. Et mais en fait, ce que je veux dire, c'est que il faut faire juste comprendre aux gens que le témoignage d'un journaliste, c'est pas la vérité, tu vois. C'est son avis, c'est lui qui le voit comme ça, et voilà, et c'est pas... Le problème aujourd'hui, c'est ça, c'est que dans les médias, les gens, ils croient que voilà, ils ont dit ça au Journal de France 2, c'est la vérité, tu vois. Et c'est non, les gens, ils peuvent venir témoigner, mais après, à toi de te faire ta propre idée de ce que la personne vient de te dire, en fait. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Voilà. Tu veux continuer ou est-ce que quelqu'un Oui, moi, je vois pas bien de quoi on parle là. On parle des autres. Et donc, on parle du système dominant. Ça fait des années que tout ce que vous racontez, on le sait. Alors, on le sait plus ou moins, on le sait plutôt moins que plus. Le problème qui se pose pour Nuit Debout, c'est ou bien on fait quelque chose de neuf sur cette place et sur les places équivalentes en France, c'est-à-dire que la connaissance de ce neuf doit passer vers le public, et pour passer vers le public, il y a deux voies. Il y a la nôtre et la voix dominante. La voix dominante, elle nous enterre chaque fois qu'elle le peut. Pas toujours, mais chaque fois qu'elle y arrive souvent. Donc notre boulot à nous, c'est de fabriquer le média qui évacue la connaissance de ce qu'est Nuit Debout vers l'extérieur. Donc moi, tout ce que vous racontez, ça m'emmerde, excusez-moi. Je me permets de te répondre en disant que c'est ton avis. Et si tu penses que tout le monde sait tout par rapport à ce qu'on est en train de dire là, c'est ton avis aussi. Voilà. Oui, Pierre. Pierre. Oui. Tu t'ennuies, c'est ça? Et moi, je te conseille d'aller voir une émission de divertissement, Super Loto, Gris Loto, et tu vas t'amuser. Bon, bah je te le conseille, mets-toi devant ta télé, ça va être génial. Ce qu'on est en train de dire, c'est que justement, on a besoin d'être dérangé. On a besoin d'être confronté à ce qu'on ne veut pas entendre. Sinon, c'est dangereux. Oui ? D'accord. Et pourquoi tu es en colère ? Tu veux répondre ? Non, j'ai pas. Si vous voulez, c'est pas une réponse. Moi, j'ai été sollicité par Orchestre Debout pour faire des images. Bon, j'ai une question parce qu'ils m'ont proposé du travail et qu'Orchestre Debout est le seul rassembleur actuel. Je dis pas qu'il y en a pas d'autres potentiels, mais ils ont produit du travail. Il y a une plasticienne ici qui était aussi là-dedans. Et donc, si vous voulez, moi, mon problème, c'est de faire savoir ce qui s'est passé dans le dernier Orchestre Debout, le 15 octobre. La discussion actuelle, elle ne m'aide absolument pas pour résoudre cette question, que je n'ai pas fini de résoudre, puisque je l'entreprends. Moi, j'ai proposé à Orchestre Debout d'organiser une performance avec des tentes et des SDF. Ils m'ont dit, c'est trop tôt, ça vient trop tard parce qu'il faudrait répéter. J'ai dit, d'accord, Donc ça fera partie des prochains boulots, sans doute. Mais le problème, si vous voulez, c'est que ils ont quand même intégré la réalité, c'est-à-dire combat de CRS contre manifestants. Donc ça, c'était magnifique. Je suppose que vous avez vu le spectacle. Il y avait aussi des plasticiens qui ont été ignorés dans la présentation, d'ailleurs. Mais ça sera une autre discussion avec eux. Et donc, voilà ce qui m'intéresse, moi. Ce que pensent Bolloré et compagnie, mais j'en ai rien à foutre. Rien. Oui, alors pour rappel, on fait un week-end thématique sur les médias pour poser la question des médias. Et c'est la raison pour laquelle c'est le sujet qu'on aborde. Voilà, merci. Oui, c'est juste une petite réflexion. Je me demande si tu tords pas un peu trop le concept de médias. Parce que pour moi, médias, c'est le vecteur de l'information. Et il n'y a pas qu'un seul vecteur de l'information. Un tract, un simple tract, pour moi, est un média. Un journal écrit est un média. Là, ce que tu as décrit fort justement, c'est plus les médias électroniques, ce qu'on appelle électroniques, qui sont effectivement, d'ailleurs, tout ce qui est électronique a plutôt tendance dans notre société à essayer de d'individualiser les gens. Il n'y a qu'à prendre Twitter, où tu as des gens qui ont des millions de followers et qui sont soi-disant célèbres, alors que c'est complètement fictif. Et il me semble qu'effectivement, les médias dont on parle, la télé, etc., rentrent dans cette logique d'isolation. Et il conviendrait de réfléchir là-dessus. Moi, je trouve qu'un des grands échecs de Nuit Debout, c'est d'avoir, par rapport aux moyens électroniques, de n'avoir proposé jusqu'à présent que les moyens existants, c'est-à-dire Facebook, c'est-à-dire Twitter, c'est-à-dire des machins comme ça, qui sont des machines d'abrutissement, effectivement. Moi, j'ai été obligé d'ouvrir un compte Facebook parce qu'il y avait Nuit Debout. Alors que avant, je m'en passais fort bien, d'ailleurs, je m'en passe toujours. Hein. Donc, il faudrait peut-être dissocier cette chose-là et réfléchir. J'ai pas les idées très très claires sur la question, mais réfléchir à comment... au travers des moyens électroniques, briser ces isolements et faire en sorte que les gens réfléchissent. Et là, c'est un échec côté Nuit Debout. Il n'y a rien de ce côté-là. Il n'y a pas de support médiatique nouveau, électronique, enfin, proposant, favorisant cette réflexion. Hein. Mais il faudrait aussi réfléchir aux supports papier, parce que les supports papier, ne les oublions pas. Ce sont aussi des médias de réflexion. Je ne les oppose pas, parce qu'il y a aussi des supports papier qui sont tendanciels. Le Figaro, par exemple, pour ne pas le citer. Mais bon, n'empêche qu'il y a deux supports. Et n'oubliez pas aussi quelque chose, c'est la parole s'envole, les écrits restent. Et le truc électronique se situe dans cette logique-là, c'est-à-dire ça s'envole. Donc il faut matraquer sans arrêt, il faut matraquer et même faire oublier les choses. Hein. On va élire des gens bientôt, soi-disant, qui ont eu des problèmes. Bon, on a complètement évacué le fait que Juppé a été condamné, par exemple, parce qu'il faut oublier. Comment on fait ? Tu veux répondre tout de suite ou je lui laisse la parole ? Oui, voilà, parce que comme ça, on pourra avoir un double dialogue. Tu poses une question très intéressante. Nous n'avons jamais fait de débat sur les médias à Nuit Debout. Donc cette question-là n'a jamais été abordée, alors que c'est une question centrale. Et là, aujourd'hui, nous avons invité les médias de Nuit Debout. Et ils ne sont pas là. Donc il y a vraiment une problématique jusqu'au sein même de Nuit Debout de rester dans ce format très très très... D'ailleurs là on a fait beaucoup d'informations sur... on a beaucoup voulu informer sur ce week-end sur les médias et qui parle vraiment de tous les médias. Moi j'ai parlé de journalisme parce que c'est ce que je connais bien, mais à travers ça je parle de tout. Et en fait ils ont tweeté à la place « Si tu n'es pas content, appuie sur moi ». Et du coup il y a plein de gens qui ont retweeté « Je ne suis pas content ». Plutôt que d'aborder ce sujet des médias, plutôt que de poser des questions importantes sur le fonctionnement, etc. Donc oui, on a un problème, et voilà. Bon, je suis désolée, je n'ai pas entendu ce que tu as dit, parce que quelqu'un m'a demandé ce qui se passait, c'était la reprise de Nuit Debout. Tu as cité les médias... Non, parce que moi, en fait, je suis d'accord avec vous, je suis comme vous... Je me suis mise sur Facebook à cause de Nuit Debout. Et pourtant, je suis artiste et j'avais pas besoin de Facebook avant. Donc, ça pose un problème. Mais, je vais vous citer un certain nombre de choses. C'est complètement faux que... Tu as cité tout ce qu'il y avait du côté de Nuit Debout. Il y a la Gazette Debout. Tu l'as cité. La Gazette Debout, c'est quand même quelque chose. Il y a Paris Lutte. Bon, c'est pas Nuit Debout, mais je veux dire, Paris Lutte, c'est important. Moi, je m'occupe de Nuit Debout, Art Debout. Je sais pas si vous connaissez. Nuit Debout, Art Debout, vous êtes allé lire? D'accord. Bon, on a fait des choses. On fait des choses. Et quand je suis allée, j'ai fait une tournée avec Vélo Debout dans le Sud. Toulouse fait un journal. Nice fait un journal. Marseille, je sais plus, mais un journal papier. Enfin, il y a énormément de production de textes. Moi, j'arrive même pas à tout lire, quoi. Et je cherche sans cesse des personnes qui écrivent. Je lis sans cesse, je n'arrive même pas à tout lire. Donc, et il y a eu aussi le hackathon, non ? Café Pierre, pour justement développer des outils numériques. Alors, si vous vous intéressez à ça, vous prenez contact avec Pierre Lalu. Il n'arrête pas de justement pousser à inventer développer des logiciels, développer des etc etc. Donc, tu veux parler ou je fais passer la parole? Oui, on est enfin au cœur du problème, c'est-à-dire les médias et Nuit Debout. Donc, moi, contrairement à ce que tu dis, il y a énormément de médias Nuit Debout. Il n'y a pas seulement l'oral, il y a la vidéo. La vidéo, c'est une écriture. Et donc, il y a un paquet de vidéos, il y en a des centaines maintenant. Donc, tu regardes, ça, c'est de l'information. Oui, tout ce que tu as dit, je le sais, je le connais. Moi aussi, j'ai parcouru certaines Nuits Debout, Marseille, Lyon, etc., etc. Sauf que tout ça, c'est très éparpillé et c'est de l'entre-soi. C'est-à-dire que actuellement, je parle des médias qu'il a évoqué. C'est comment on touche ceux qui ne sont pas sur la place. C'est-à-dire le commun des mortels, ceux qui sont vissés le regard sur leur télévision tous les soirs à consommer du Bolloré ou du TF1. C'est comment on brise ça. C'est ça l'important. Les médias, c'est là-dessus qu'il faut les combattre. C'est pas sur ça. Pour moi, le reste, c'est de l'entre-soi. En fait, il y a une différence, il y a une distinction entre un média qui expérimente, qui essaie des nouvelles choses et tout, et un média qui agit, qui va transformer l'opinion. Après, voilà, ça va être une longue conversation. J'ai quelque chose à demander, moi. C'est s'il y a des médias, autant de médias à Nuit Debout, qu'on en a parlé là, qu'on a véhiculé tout ça et tout, ils sont où? C'est une journée importante. C'est la première fois qu'on aborde le sujet de manière frontale. Ils sont où? Voilà. Non, mais du coup, il n'y a pas de lutte quand il y a un conflit interne, quand la machine ne fonctionne pas. Donc on est dans des médias qui expérimentent, clairement. On n'est pas dans des médias encore qui agissent, qui ont trouvé une manière de... Moi, je voudrais répondre aux deux, du coup. Je suis pas activiste au départ, je suis artiste. Et moi, je suis pas. Souvent, j'ai le même conflit avec les pas un conflit, mais une discussion avec les activistes qui veulent toujours toucher le maximum de gens. Moi, je raisonne pas comme ça. Je raisonne si j'ai besoin de faire quelque chose, je le fais. Si je veux manifester contre la guerre et que je suis la seule, ça me paraît important de me dédouaner de ça et de dire non, je suis pas d'accord. Et si je suis la seule dans ce pays, tant pis. Et j'ai pas besoin de faire une action sous prétexte que il y a 1 million de personnes avec moi. Bon, déjà, je pose ce point-là. Et je pense que c'est important. C'est-à-dire, chacun décide de ses actions. Et c'est pas parce qu'on est 1 million que c'est mieux. Et moi, je pense qu'on en est, on expérimente, effectivement. Et ce que j'essaye de faire avec Nuit Debout, c'est je construis, j'essaye de faire au mieux que je peux. Et je pense que peut-être ça sera lu dans 10 ans, c'est pas grave. Il y a souvent un décalage entre, je le sais en tant qu'artiste, moi, les choses qu'on fait tout de suite, elles sont pas forcément regardées, elles sont regardées dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Donc, il y a un décalage entre quand un mouvement naît et le moment où il rayonne. Et on n'est peut-être pas prêt non plus à ce qu'un million de personnes nous suivent. Donc pour le moment, mais on... Et il y a des conflits énormes en plus. Bon, moi, j'ai été absente un mois. Je reviens là depuis une semaine et j'apprends ce qui s'est passé petit à petit. Ça m'intéresse. Bon, moyen, mais le fait que des gens ne soient pas là, c'est le résultat de conflits internes. On peut le dire aussi. Hein. Je veux dire, c'est pas... Voilà. C'est tout. Tu veux répondre ou pas? Tiens, je te donne la parole. Par contre, juste décale toi parce que tu sais, après ça fait du larcène. Du larcène, j'ai rien fait, je pas moi. Allô? C'est de l'intro. Ouais, en fait, c'était juste pour passer un message. Parce que, à ce qui paraît, quand le peuple vote blanc en majorité, ça annule les élections. Ils sont obligés de recommencer la campagne et les élections. Mais ça, c'est à ce qui paraît. Toc Bendit, il m'a dit, jamais ça existera. Moi, je lui ai répondu. C'est ce que disaient les gens quand on leur disait qu'un président noir américain sera. Jamais. On n'est pas des moutons. Celles-là, ils l'ont pas anticipé. Elle vient de loin. Tu parles de république. Moi, je suis la liberté. Et la fraternité. Donc sinon, votez blanc en majorité aux prochaines élections, annulez les élections, et on leur mettra bien profond. Parce que le pire, c'est quand t'annules les élections, il n'y a personne qui touche d'argent. On annule, c'est comme un tournoi, tu vois, normal, on annule le tournoi, il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de coupe. On annule les élections, il n'y a pas d'argent. Parce qu'à ce qui paraît, quand tu votes, pour un président ou quelqu'un, tu donnes un euro. À ce qui paraît, un euro. 17 millions qui votent pour moi, ça me fait 17 millions. Mais si tu annules les élections, il n'y a rien. Il y a des gains. Que chi. Nada. On vous tient. Votre pouvoir sera votre faiblesse. L'argent! Ça, c'est un message de la politique. Merci pour ton message. Voilà, j'espère que ça t'a fait du bien, en tout cas. Tu veux continuer? Tu veux dire un truc? Ou est-ce que... Oui, donc là, pour vous répondre, tous les deux, on est justement là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour poser la question des médias, de leur mode de fonctionnement, de leur utilité, de leur nécessité et de comment est-ce qu'on peut revoir les choses. C'est la première fois que ça se fait. On va en profiter pour poser toutes ces questions-là. Et en fait, il faut savoir qu'un écrivain, il est tout seul. Mais quand son livre, il sort, il est diffusé et il peut être diffusé massivement. Moi-même, j'écris. Donc, je le sais. Donc, si on est quelques-uns à réfléchir ça, et qu'on aboutit vraiment à quelque chose, alors on pourra le diffuser massivement. Oui, je voudrais dire que les médias Nuit Debout ne sont pas absents. Madame est artiste, donc média, donc auteur de médias. Si, tu ne peux pas dire le contraire. Et moi, je représente la galerie d'art debout, qui est là depuis le début. C'est un média. Alors, je suis arrivé en retard, j'ai pas tout entendu. Peut-être que je vais répéter quelque chose que tu as déjà dit. Mais moi, je voudrais voir le problème d'un autre côté. C'est-à-dire que derrière les médias, il y a une certaine culture. Et ce qu'il y a en France, c'est que on n'a pas de culture française, on a une culture des États-Unis. Et la culture des États-Unis en ce moment, c'est-à-dire qu'on est noyé dans la publicité. n'importe quel message, n'importe quel article qui parle de Notre-Dame-des-Landes ou n'importe quoi, derrière il y a une publicité pour acheter quelque chose ou pour vendre. Seulement on ne le sait pas. Et aussi dans tous les médias que les gens normaux voient à la télé ou ailleurs, ça va très vite, les gens sont super bien sapés, ils sont rigolos, ils bougent tout le temps, il y a de la musique, etc. Et si ces mêmes gens, ils viennent ici, ils voient Nuit Debout, des gens qui font tout le temps la gueule, qui sont tout le temps tous en noir, qui bougent pas, qui parlent de choses difficiles, ils sont chiants. Ils écouteront jamais plus de 10 secondes. Moi, c'est ça qu'il faut changer. Parce que, et aussi, il y a un autre aspect, c'est dans le... dans le fond culturel, je ne sais pas bien comment l'appeler, mais c'est un truc par exemple dans le temps quand on parlait de non-violence ou des choses comme ça, dans tous les médias disaient bon, il y a les gens normaux qui sont pour l'armée, pour la défense, etc., etc., et puis il y a une poignée du luberlu qui raconte n'importe quoi. Alors même si on rendait compte des actions, de toute façon, il y avait déjà le préjugé qui était installé. Et c'est pareil pour l'agriculture. L'agriculture chimique, c'est normal. L'agriculture biologique, c'est une poignée de farfelus. Et tout est comme ça, tout est banalisé comme ça. Parce que tout ce qui vient de l'Amérique, c'est bien. Tout ce qui vient d'ailleurs ou de nous-mêmes, c'est ridicule en confrontation. Et c'est... Ou même, ce que je vois un truc en ce moment, c'est le... Il y a beaucoup de médias ou de choses contre la Russie, contre Poutine surtout. Bon, j'ai rien pour ni contre Poutine, je le connais pas. Mais quand on dit c'est un criminel de guerre, il fait plein de massacres ou n'importe quoi, on oublie toujours de dire que la NATO a... l'OTAN, pardon, a encerclé la Russie avec des chars, avec des armées, etc. À toutes les frontières de la Russie où il y a un pays de l'OTAN, il y a des chars et des missiles qui sont pointés vers la Russie. Alors, moi, à la place de Poutine, je me défendrais. Bon, je sais pas, je connais pas ce qu'il y a. Mais il y a des tas de choses comme ça qui me paraissent bizarres. Mais si, tant qu'on ne change pas la culture du pays et qu'on ne construit pas de la base une culture française, hein. C'est pas les Gaulois, c'est autre chose. Une vraie culture française, on peut pas se faire comprendre, c'est pas possible. D'ailleurs, il y a deux choses. Où on dit quelque chose qui est pour la culture américaine, enfin la culture si on peut dire, pour les États-Unis, ou c'est pas bien. Voilà, ça c'est la tendance normale. Dire, si tu dis un truc qui est dans la culture américaine, les gens écoutent, parce que c'est rigolo, parce que ça bouge, y a de la musique, etc. Si c'est pas comme ça, ben, c'est de la merde. Tu veux répondre ? Tu poses la question des préjugés. C'est une question qui est importante. Oui ? Des préjugés, comment sortir des préjugés, comment avoir une culture basée sur la curiosité, sur l'inhabituel. C'est essentiel, hein. Donc, effectivement, ce sont des questions importantes. Non, je voulais répondre d'abord sur la culture française. Elle existe, hein, je veux dire, c'est évident. Elle est bien plus ancienne que celle des États-Unis. Les Américains n'arrêtent pas de citer, si vous lisez un peu la recherche américaine, ils passent leur temps à citer Deleuze, Foucault. Il n'y a pas un article qui ne cite pas un Français, tous les philosophes français. Quand je suis allée, j'ai passé du temps en Asie, en Chine, il y a un Chinois sur deux qui choisit de parler français et pas anglais, et qui choisit de venir ici par tous ceux qui s'intéressent à l'art. Moi, j'étais vraiment sidérée de voir qu'un Chinois sur deux choisit le français pour la culture. On a la chanson française, on a le cinéma français. Enfin, moi, je veux pas faire une espèce d'apologie de la culture française, mais je veux dire, elle est bien là, elle est évidemment là, quoi. Même Donc, je ne suis pas du tout pro-américaine et je ne trouve pas que c'est intéressant de balancer ce discours comme ça, très défaitiste et par rapport aux États-Unis, parce que là, finalement, c'est ce que vous faites. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est tout pour le moment. Elle existe dans la nourriture. Non, c'est bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est tu peux faire une conclusion, si tu veux. Est-ce que quelqu'un veut encore réagir ou pas ? Tu veux ? Oui, je pense que ce que veut dire notre ami, c'est plutôt... C'est pas tellement la culture... Je vais pas parler à sa place, mais c'est quand même ce que je suis en train de faire, là. C'est la culture du fric, qui peut être... autant américaine que française. Maintenant, la culture française existe, bien sûr, et la culture américaine aussi, parce que les Américains ont un sens pratique qu'on oublie souvent. Et c'est aussi ce qui leur permet de marquer des points dans plein de domaines. Juste pour essayer de répondre, déjà, les États-Unis, pour moi, il n'y a pas de culture. C'est la publicité, c'est le fric, etc. Et en France, c'est vrai qu'il y a une culture. Mais essaye de demander aux gens qui c'est Deleuze, qui c'est Guattari, etc. Il n'y a aucun Français qui saura te répondre. Tous les étrangers apprécient la culture française, sauf les Français. La culture américaine, comme d'autres cultures, existe réellement. Elle est très différente de la nôtre, certes. Très pragmatique, effectivement. Très matérialiste. Mais mon Dieu, elle existe, elle est bien là. Et d'ailleurs, nous la subissons. Quand on pense à l'aspect de la communication sur la planète, les Américains sont maîtres en la matière. Il y a toute une culture derrière de communication par l'image. Non, c'est une société bien structurée, bien avec sa culture propre, qui nous convient pas trop à nous, effectivement. Hein, on est un peu en... Voilà, ça fait du Larsen quand on s'approche de leur culture. Voilà. Ben, ça existe bien, oui, et comme ailleurs, d'ailleurs. Conclusion. Est-ce qu'on passe à la conclusion ou est-ce qu'on reste sur le sujet de la culture américaine ? Bon, voilà, on se donne rendez-vous. Alors là, il va y avoir encore d'autres ateliers d'EducPop. Est-ce que Sophie est arrivée ? Non. Je vais essayer de l'appeler. On va se donner rendez-vous également ce soir à 19h pour la projection et le débat. Et demain, 16h, on fait une grande assemblée thématique où il y aura Reporters sans frontières qui passera pour nous en dire plus parce que ce sont des sujets essentiels. Voilà, voilà. Merci à toi, Alan, d'être venu. Donc là, on attend de savoir où est Sophie. Et ensuite, on enchaîne. Pour le moment, il n'y a pas de programme prévu. Hein. C'est toujours comme ça, EducPop. Hein. Donc voilà, hein, je fais un petit rappel. Nous, c'est Debout Éducation Populaire. On est présent sur la place le samedi et le dimanche, de 15h à 19h. Et on a l'atelier « Quelle société veut-on ?» du vendredi soir. On l'a déplacé au week-end. Parce que voilà, ça devient. Bah là, changement d'heure ce soir, il va faire nuit tôt, donc voilà, on préfère rester la journée pour être toujours dans la bonne ambiance et dans la bonne humeur. Donc on fait une petite pause et puis on revient dans pas longtemps.